toi tu te croyais champion du monde. T'auras du mal si je m'y trouve. Ouais c'est que du bon, une bombe de l'aristique qui rouge. Des pulsions bien plus sombres que de l'aristique qui tourne. Je reste le premier du nom, je tire pas qu'une taf, je finis tout. Maria à la weed, wedding cake. Et ma vie est plus mouvementée que dans Training Day. Je me fous de la dope que vous vendez, je préfère éviter. Et si j'ai un job à terminer, c'est très vite fait. A goût de banana punch, avec une Havana club. Tant que les éléments se déchaînent, je te dirai que ça va ma gueule. Tu te demandes si le rap est vivant. En voilà la preuve, envoie-moi la cush et je t'écrirai des faces délirantes. Le tour de l'espace, j'ai roulé ma fusée Max Stomper. Ouais, j'ai la plume affûtée, la rime qui masse ton cœur. J'ai fumé le max qu'on peut, j'ai que le ciel comme limite, tu sais qu'il n'y a pas de compteur. A goût de banana punch, avec une Havana club. Tant que les éléments se déchaînent, je te dirai que ça va ma gueule. Tu te demandes si le rap est vivant. En voilà la preuve, envoie-moi la cush et je t'écrirai des faces délirantes. Le tour de l'espace, j'ai roulé ma fusée Max Stomper. Ouais, j'ai la plume affûtée, la rime qui masse ton cœur. J'ai fumé le max qu'on peut, j'ai que le ciel comme limite, tu sais qu'il n'y a pas de compteur. L'exhaleur. El Gaouri, Jola Douy, Bona, HS Crew.